Audiomatique. Oh. amorcer la transmission 5, 6, 8 d'Audiomatic. Les sonoristes ont choisi de vous présenter l'artiste suisse Léa Martinez. De son mini-album Threshold, qui est paru le 2 mai 2025, nous écoutions la chanson Aura. Et Audiomatic se poursuit sans attendre sur une composition du projet québécois Paraphonique. Thank you. something to believe. What I used to be, I just don't know anymore. I just don't know anymore. So Nous venons d'entendre le duo Irinum et sa composition Kekeda de Mi, tirée du second album intitulé El Origen de la Revolución, paru en 2016. Et avant cela, c'était bien sûr Nine Inch Nails et la pièce Who Wants to Live Forever, sur laquelle Trent Reznor chante en duo avec la chanteuse espagnole Lara Fernandez Castrello, qui compose sous le pseudonyme de Judeline. La pièce apparaît sur la toute nouvelle parution de Nine Inch Nails, qui est en fait la bande sonore du film Tron Ares, qui sortira en salle ce vendredi 10 octobre. Et pour amorcer cette séquence, nous avions droit à une composition de l'artiste québécois Nicolas Lavoie et son projet Paraphonique. Du tout nouvel album intitulé Minos, nous écoutions la pièce Corridor. Audiomatique se poursuit maintenant avec le collectif suisse Berceuse. Don't know. core of your soul. In the dark night on a tiger wing, tiptoe to the core of your dream. Oh my baby queen, tiptoe to the core of your soul. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic au groupe suisse Etienne Machine de son album Playground for the Crowd qui est sorti en 2023. Nous écoutions la chanson Intel and Data. Tout juste avant, c'était le groupe féminin zurichois MZIG avec la pièce Mind Falls, extraite de son premier album 52 Blue, paru en 2024. Et pour débuter ce bloc musical, il s'agissait du collectif suisse Berceuse, formé de 8 chanteuses, autrices et compositrices romandes. De leur album homonyme, lancé en 2024, nous avons diffusé la pièce « You Belong ». Toujours à Audiomatic, la prochaine séquence sera constituée d'une seule pièce composée par le groupe Burro Ermitaño. pièce Impressiones de Marcahuasi qui constituait cette séquence musicale est l'œuvre du groupe péruvien Buho Ermitaño, laquelle pièce on peut retrouver sur le premier album intitulé Horizonte, publié en 2014. En conclusion de cette transmission 5-6-8 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le duo suisse Cognac. De son deuxième album, Mutatio, lancé en 2020, nous entendrons la pièce Coac. La transmission 5-6-9 sera diffusée mercredi prochain dès 17h. En direct du studio de C'est Fou 89.1 FM, avant d'être rendu accessible sans contrainte spatio-temporelle parmi les archives numériques d'Audiomatic, dont une des portes d'entrée se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Cognac avec la pièce Coac. C'était Audiomatic avec les sonoristes.